Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns, comme on dit de nos jours. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Elle est en pleine forme, là. Gay, entreprenant, dynamique. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile. Je civette, je bavarise sur Agounia. Bref, je donne à Antoine tout apaisement dans l'avenir. Moi, je connais qu'une loi, celle du plus fort. La bave du crapaud n'empêche pas la caravane de passer.